Coucou, salut, c'est Blage Acheteur, journée après mix 4 dans les sous-bois parisiens en compagnie du collectif Le Tazon et Projet STF. Donc là pendant à peu près 1h25, faut s'attendre à un set plutôt oscillant vers la trance, la dance, la techno. Bon, un mélange blabla acheteurien, comme d'habitude. Enjoy et bonne écoute, à plus tard. We'll be right back. Concerned.

Same journey to another time and another world, colliding lights, radiating ray. As for another world. Leaders and followers on the same journey to another time and another world. Colliding space in time stretching. Colliding lights. For another world. This is my perfect storm. Coming through dark and atmosphere. Sounds like perfect storm. Perfect storm. C'était Blage Acheteur, donc moi-même, et merci de m'avoir écouté dans les musiques électroniques, un milieu forestier, en compagnie de Projet STF et du Tazon. À la prochaine pour une prochaine bamboche.